Je n'ai pas assez de mes 10 doigts pour vous compter tous mes amants. Et je m'en excuse à présent si j'ai oublié leur prénom. Car faut dire qu'ils sont passés en courant d'air à travers ma vie et mes peines. Ont escamoté mes 20 ans et raccourci bien de mes printemps, en évitant toutefois l'hiver. Car à la période des grands froids, quand mon feu avait besoin de bois, ce monsieur, je ne les voyais pas. Je n'ai pas assez de mes 30 ans pour vous compter tous mes amants. Et je m'en excuse à présent si j'ai oublié leur prénom. Car faut dire mon lit est un aéroport où l'on s'envole, où l'on s'endort. S'ils me font part de leur visite, c'est qu'ils ne sont là qu'en transit. Repartent l'âme sans remords, vont retrouver leurs habitudes, me laissant un goût d'amertume, ma chambre couverte de brume. Je n'aurai donc jamais le temps de vous compter ces grands enfants, mais je rêve dès à présent à leurs innombrables prénoms. Car faut dire reviendront bien les jours de semaine, mais pour mes dimanches, pas de veine, car ils sont dans l'obligation de consacrer un peu de temps à leur famille et aux parents. Aux élections des égoïstes, ces beaux messieurs sont tous en liste, se foutant de ma mine triste. Mais je veux encore avoir du temps à consacrer à mes amants, car sans vous mentir à présent, moi je les aime énormément. Car sans vous mentir à présent,